chapitre 67e, où l'on voit ce qu'était devenue Catherine, mais où l'on ignore ce qu'elle deviendra. Pendant cette nuit du 5 au 6 juillet, vers 11h du soir, le docteur Reynald, qui venait de se coucher dans l'espérance, si souvent déçue chez les chirurgiens et les médecins, de dormir sa grasse nuit, le docteur Reynald, disons-nous, fut réveillé par trois coups vigoureusement frappés à sa porte. C'était, on le sait, l'habitude du bon docteur, quand on frappait ou quand on sonnait la nuit, d'aller ouvrir lui-même, afin d'être plus vite en contact avec les gens qui pouvaient avoir besoin de lui. Cette fois, comme les autres, il sauta à bas de son lit, passa sa robe de chambre, chaussa ses pantoufles et descendit aussi rapidement que possible son étroit escalier. Quelque diligence qu'il eût faite, sans doute, il paraissait trop lent encore au visiteur nocturne, car celui-ci s'était remis à frapper, mais cette fois, sans nombre et sans mesure, lorsque tout à coup la porte s'ouvrit. Le docteur Reynald reconnut ce même laquais qui était venu le chercher une certaine nuit pour le conduire près du vicomte Isidore de Charny. « Oh !» dit le docteur à cette vue. « Encore vous, mon ami. Ce n'est point un mot de reproche, entendez-vous bien. Mais si votre maître était encore blessé de nouveau, il faudrait qu'il y prît garde. Il ne fait pas bon aller ainsi aux endroits où il pleut des balles. « Non, monsieur, » répondit le laquais. « Ce n'est pas pour mon maître, ce n'est pas pour une blessure, c'est pour quelque chose qui n'est pas moins pressé. Achevez votre toilette. » Voici un cheval et l'on vous attend. » Le docteur ne demandait jamais plus de 5 minutes pour sa toilette. Cette fois, jugeant au son de la voix du laquais et surtout à la façon dont il avait frappé que sa présence était urgente, il n'en mit que 4. « Me voilà, » dit-il, reparaissant presque aussitôt qu'il avait disparu. Le laquais, sans mettre pied à terre, tint la bride du cheval le docteur Reynald, qui se trouvait immédiatement en selle et qui, au lieu de tourner à gauche en sortant de chez lui, comme il avait fait la première fois, tourna à droite, suivant le laquais qui lui indiquait le chemin. C'était donc du côté opposé à Boursonne qu'on le conduisait cette fois. Il traversa le parc, s'enfonça dans la forêt, laissant Aramon à sa gauche, et se trouva bientôt dans une partie du bois si accidentée qu'il était difficile d'aller plus loin à cheval. Tout à coup, un homme caché derrière un arbre se démasqua en faisant un mouvement. « Est-ce vous, docteur ? » demanda-t-il. Le docteur, qui avait arrêté son cheval, ignorant les intentions du nouveau venu, reconnut à ces mots le vicomte Isidore de Charny. « Oui, dit-il, c'est moi. »« Où diable me faites-vous donc mener, monsieur le vicomte ?»« Vous allez voir, » dit Isidore, « mais descendez de cheval, je vous prie, et suivez-moi. » Le docteur descendit, il commença à tout comprendre. « Ah ! » dit-il, « il s'agit d'un accouchement, je parie. » Isidore lui saisit la main. « Oui, docteur, et par conséquent, vous me promettez de garder le silence, n'est-ce pas ?» Le docteur haussa les épaules, un homme qui voulait dire « Eh mon Dieu, soyez donc tranquille, j'en ai vu bien d'autres. »« Alors venez par ici, » dit Isidore, répondant à sa pensée. Et au milieu des houes, sur les feuilles sèches et criantes, perdues sous l'obscurité des hêtres gigantesques à travers le feuillage frémissant desquels on apercevait de temps en temps le scintillement d'une étoile, tous deux descendirent dans les profondeurs où nous avons dit que le pas des chevaux ne pouvait pénétrer. Au bout de quelques instants, le docteur aperçut le haut de la pierre Clouise. « Oh, dit-il, serait dans la hutte du bonhomme Clouise que nous allons ?»« Pas tout à fait, dit Isidore, mais bien près. » En faisant le tour de l'immense rocher, il conduisit le docteur devant la porte de l'immense bâtisse en briques adossée à la hutte du vieux garde, si bien qu'on aurait pu croire, et que l'on croyait effectivement dans les environs, que le bonhomme, pour plus grande commodité, avait ajouté cette annexe à son logement. Il est vrai que, à part même Catherine gisante sur un lit, on eût été détrompé par le premier coup d'œil jeté dans l'intérieur de cette petite chambre. Un joli papier tendu sur la muraille, des rideaux d'étoffe pareils à ce papier pendant aux deux fenêtres, entre ces deux fenêtres une glace élégante, au-dessous de cette glace une toilette garnie de tous ses ustensiles en porcelaine, deux chaises, deux fauteuils, un petit canapé et une petite bibliothèque. Tel était l'intérieur presque confortable, comment dire aujourd'hui, qui s'offrait à la vue en entrant dans cette petite chambre. Mais le regard du bon docteur ne s'arrêta sur rien de tout cela. Il avait vu la femme étendue sur le lit, il allait droit à la souffrance. En apercevant le docteur, Catherine avait caché son visage entre ses deux mains, qui ne pouvait contenir ses sanglots ni cacher ses larmes. Isidore s'approcha d'elle et prononça son nom, elle se jeta dans ses bras. « Docteur, » dit le jeune homme, « je vous confie la vie et l'honneur de celle qui n'est aujourd'hui que ma maîtresse, mais qui, je l'espère, sera un jour ma femme. »« Oh, que tu es bon, mon cher Isidore, de me dire de pareilles choses. car tu sais bien qu'il est impossible qu'une pauvre fille comme moi soit jamais vicomtesse de Charny. Mais je ne t'en remercie pas moins. Tu sais que je vais avoir besoin de force, et tu veux m'en donner. Sois tranquille, j'aurai du courage, et le premier, le plus grand que je puisse avoir, c'est de me montrer à vous, à visage découvert, cher docteur, et de vous offrir la main. » Et elle tendit la main au docteur Rénal. Une douleur plus violente qu'aucune de celles qu'avait encore éprouvées Catherine crispa sa main au moment même où celle du docteur Rénal la toucha. Celui-ci fit du regard un signe à Isidore, qui comprit que le moment était venu. Le jeune homme s'agenouilla devant le lit de la patiente. « Catherine, mon cher enfant, lui dit-il, sans doute je devrais rester là, près de toi, à te soutenir et à t'encourager. Mais j'en ai peur, la force me manquerait. Si cependant tu le désires... » Catherine passa son bras autour du cou d'Isidore. « Bah, dit-elle, bah, je te remercie de t'en aimer, que tu ne puisses pas me voir souffrir. » Isidore appuya ses lèvres contre celles de la pauvre enfant, serra encore une fois la main du docteur Rénal et s'élança hors de la chambre. Pendant 2 heures, il erra comme ces ombres dont parle Dante, qui ne peuvent s'arrêter pour prendre un instant de repos et qui, s'ils s'arrêtent, sont relancés par un démon qui les pique de son trident de fer. À chaque instant, après un cercle plus ou moins grand, il revenait à cette porte derrière laquelle s'accomplissait le douloureux mystère de l'enfantement. Mais presque aussitôt, un cri poussé par Catherine, en pénétrant jusqu'à lui, le frappait comme le trident de fer du damné, et le forçait de reprendre sa course errante, s'éloignant sans cesse du but où elle revenait sans cesse. Enfin, il s'entendit appeler au milieu de la nuit par la voix du docteur, et par une voix plus douce et plus faible. En 2 bonds, il fut à la porte, ouvert cette fois, et sur le seuil de laquelle le docteur l'attendait, élevant un enfant dans ses bras. « Hélas, hélas, Isidore, dit Catherine, maintenant je suis doublement à toi comme maîtresse, à toi comme mère. » 8 jours après, à la même heure, dans la nuit du 13 au 14 juillet, la porte se rouvrait. 2 hommes portaient dans une litière une femme et un enfant qu'un jeune homme escortait à cheval, en recommandant aux porteurs les plus grandes précautions. Arrivé à la grande route d'Aramon à Villers-Cotterêts, le cortège trouva une bonne berline attelée de 3 chevaux, dans laquelle montèrent la mère et l'enfant. Le jeune homme donna alors quelques ordres à son domestique, mit pied à terre, lui jeta aux mains la bride de son cheval et monta à son tour dans la voiture qui, sans s'arrêter à Villers-Cotterêts et sans le traverser, longea seulement le parc depuis la Faisanderie jusqu'au bout de la rue de Largny et, arrivé là, prit au grand trot la route de Paris. Avant de partir, le jeune homme avait laissé une bourse d'or à l'intention du père Clovis et la jeune femme une lettre à l'adresse de Pitou. Le docteur Rénal avait répondu que, vu la prompte convalescence de la malade et la bonne constitution de l'enfant, qui était un garçon, le voyage de Villers-Cotterêts à Paris pouvait, dans une bonne voiture, se faire sans aucun accident. C'était en vertu de cette assurance qu'Isidore s'était décidé à ce voyage, rendu nécessaire d'ailleurs par le prochain retour de Billot et de Pitou. Dieu, qui jusqu'à un certain moment veille parfois sur ceux que plus tard il semble abandonner, avait permis que l'accouchement eût lieu en l'absence de Billot, qui d'ailleurs ignorait la retraite de sa fille, et de Pitou, qui dans son innocence n'avait pas même soupçonné la grossesse de Catherine. Vers 5 heures du matin, la voiture arrivait à la porte Saint-Denis, mais elle ne pouvait traverser les boulevards à cause de l'encombrement occasionné par la fête du jour. Catherine hasarda sa tête hors de la portière, mais elle la rentra à l'instant même en poussant un cri et en se cachant dans la poitrine d'Isidore. Les 2 premières personnes qu'elle venait de reconnaître parmi les fédérés étaient Billot et Pitou.